Si. Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. Le grand témoin, Louis Dauphresne. Tout récemment, l'historienne et romancière de renom, Françoise Chandernagor, venait expliquer pourquoi elle pensait que Jésus avait eu des frères et par là même s'attaquait à des représentations dont la plupart de nos contemporains ont hérité et qui constituent un univers familier rassurant. Et quand ces certitudes sont mises en danger, bien sûr, l'être humain réagit car voit s'effondrer cet univers familier dont il ne reste finalement pas grand-chose. C'est ce qu'on a pu déduire de l'entretien que nous avons eu donc mardi dernier avec Françoise Chandernagor pour sa vie de Jude, frère de Jésus, publié chez Albin Michel. Comme quoi nous vivons malgré nous de ce que nous croyons, quel que soit d'ailleurs l'objet de la croyance. Mais ça, ce n'est pas l'affaire de celui qui regarde l'histoire froidement, comme le fait d'ailleurs Françoise Chandernagor en séparant très nettement histoire et théologie. Le fait que Jésus aurait eu des frères est une question posée de manière récurrente, on le sait, et ce fut parfois d'ailleurs des succès d'édition, en tout cas des succès médiatiques. Elle est contestée notamment par Jean-Christian Petit-Fils, historien également, auteur d'une vie de Jésus publiée chez Fayard, dont nous avons parlé dans l'émission avec Françoise Chandernagor et que j'ai convié ce matin pour que justement il puisse apporter, pas forcément la réplique, mais au moins sa thèse, son explication, peut-être rétablir la vérité dans l'esprit de ceux qui nous écoutent. Bonjour Jean-Christian Petit-Fils. Bonjour. Alors vous avez écouté notre entretien avec Françoise Chandernagor. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez précisément. Enfin, si vous allez nous le dire. Ce que je sais simplement, c'est qu'avec elle, vous menez une discussion un peu à travers la presse interposée. Oui. Je ne suis pas du tout d'accord avec sa thèse. C'est un roman, il faut bien le dire. Elle a écrit donc un roman, Vie de Jude, frère de Jésus. Mais un roman, c'est une étiquette pour vendre. Mais à la suite, à la fin de ce roman, il y a une quarantaine de pages expliquant de façon convaincue, on pourrait même dire péremptoire, que Jésus a eu des frères, des sœurs, et que par conséquent, Marie, la Vierge Marie, toujours vierge dans l'Église catholique, eh bien, est en fait une mère de famille nombreuse. Donc ça, de mon point de vue, c'est une thèse qui, non seulement du point de vue de la foi, ne tient pas, ça c'est évident, mais aussi du point de vue des arguments scripturaires, historiques, c'est quelque chose qui est extrêmement fragile et donc qui n'a pas lieu d'être soutenu. Alors simplement, avant qu'on puisse entamer cette question, puis on va voir aussi votre itinéraire, rappel de votre œuvre nombreuse, fructueuse, Jean-Christian Petit-Fils. D'abord un point, est-ce que vous estimez pertinent de s'attaquer à ce genre de questions? Est-ce qu'il est normal, logique, même souhaitable que l'Église ouvre le débat? Après tout, pourquoi pas, on se reproche, c'était un argument de François Chandernagor, on reproche à l'islam de ne pas vouloir discuter ses propres textes. Là au moins, le débat est libre, non? C'est difficile à dire parce que l'Église est arrivée à construire une doctrine, entre guillemets, à partir d'une réflexion qui vient de la révélation, laquelle est close avec la dernière génération apostolique, mais qui s'est développée dans les premiers siècles de notre ère, jusqu'au 4e, 5e, 6e siècle, même pour les définitions mariales, et même au 19e, bien sûr, pour l'Immaculée Conception et l'Assomption, et 20e. Mais on ne peut pas constamment rouvrir les débats théologiques. On peut en parler, on peut discuter. Cela étant, l'Église n'a pas à remettre en cause à chaque fois que sort un roman sa propre valeur, ses propres définitions dogmatiques qui ont été profondément réfléchi. Vous savez, le bienheureux cardinal Newman disait la foi est close, mais c'est une redécouverte, une explication complémentaire. Il n'y a pas de novation. Jésus est vrai homme et vrai Dieu dès le départ, mais c'est seulement par les définitions conciliaires de Nicée, de Constantinople, qu'on est parvenu à le comprendre. Et c'est la même chose aussi pour Marie, toujours vierge. Eh bien, il y a des définitions conciliaires qui datent du 4e et du 6e siècle, mais dès le départ, pour moi et pour l'Église catholique, Marie est la Vierge Marie est toujours vierge. Oui, mais l'histoire avance et on ne peut être fermé à l'histoire. Non, mais... Enfin, surtout pas vous. Bien entendu, mais encore une fois, l'Église, en tout cas, n'a pas à remettre en cause à chaque fois ses définitions. Elle a simplement à les expliquer, à les faire comprendre. Ça, c'est son rôle, bien entendu. Alors, ça va être le vôtre, hein. Le vôtre dans la mesure, justement, où vous menez un travail d'historien, Jean-Christian Petit-Fils. 1944, voyez le jour à Paris, vous avez 16 ans lorsque vous publiez un article sur un personnage qui vous fascine, le Masque de Fer. Une passion pour l'histoire dès votre plus jeune âge. Il faut dire que votre père, banquier originaire de Charleville, écrivait des biographies littéraires sur Nerval, Verlaine et Rimbaud, et que votre grand-père, député, était féru d'archéologie. Marion Duchesne. C'est la lecture d'Alexandre Dumas qui est à l'origine de ma passion pour les Bourbons, explique Jean-Christian Petit-Fils. Il n'avait pas envie d'enseigner l'histoire, il a donc fait toute sa carrière dans le monde bancaire. C'était très amusant, dit-il, les OPA nécessitent toute une stratégie avec ses secrets et ses noms de code. Multidiplômé, Jean-Christian Petit-Fils n'appartient pas au cénacle des historiens de la première heure, mais a su imposer son style et sa légitimité. Des études de droit, un doctorat de sciences politiques avec une thèse sur les idées politiques et sociales du comte de Montlosier, le diplôme de l'Institut d'administration des entreprises. C'est en 1995 qu'il se fait connaître du grand public avec sa biographie de Louis XIV qui lui a demandé 25 années de travail. Louis XVI, Louis XIII pour lequel il a une affection particulière, Henri IV, Louis XV. Jean-Christian Petit-Fils inscrit ses biographies à l'intersection de l'histoire et des sciences politiques. Il le répète, le métier d'historien consiste à croiser les sources qu'il juge fiables. Une trentaine d'ouvrages à son actif et de nombreux succès de librairie, dont son Jésus paru en 2011 aux éditions Fayard. C'est ma foi chrétienne et mon engagement catholique qui sont à l'origine de ce livre, souligne Jean-Christian Petit-Fils. Je voulais comprendre qui était ce Jésus de l'histoire, qui a fait controverse, mais j'ai veillé à m'arrêter devant les miracles et la résurrection, ajoute-t-il. L'historien est obligé d'avouer son impuissance devant le mystère, ce qui ne l'empêche pas de répondre aux fantasmes suscités autour des questions de la virginité de Marie et de l'existence des frères de Jésus. La plus grande satisfaction de Jean-Christian Petit-Fils, les témoignages d'anonymes qui lui disent que son livre les a guidés, les a parfois ramenés vers la foi. Le personnage religieux auquel l'historien est le plus attaché, Jean l'Évangéliste, répond-il, il est à la fois le plus mystique et le plus historique. Il a été dit que vous n'apparteniez pas au cénacle des historiens, Jean-Christian Petit-Fils, et pourtant vous avez imposé un style. Quel est ce style ? Alors, j'essaye dans mes ouvrages d'histoire, d'abord de faire la synthèse de toutes les données. Donc, ça m'oblige à lire, quand je fais une biographie d'un roi, toutes les biographies qui sont parues, les mémoires du temps. J'essaye aussi, y compris d'ailleurs des recherches anglo-saxonnes, sous négligées par les historiens français. J'essaye d'avancer un certain nombre d'idées, puisque, comme il a été dit par Marion Duchesne, je fais un travail à la fois de biographe, mais aussi de politologue, disons. Je donne une analyse de la société française à l'époque de Louis XIII, à l'époque de Louis XIV, donc au XVIIe, au XVIIIe, montrant comment fonctionne cet ancien régime, qui est un système très complexe de corps, d'ordre. C'est décalé fortement par rapport à nos sociétés démocratiques. Et c'est en cela que c'est très intéressant de faire une analyse sociopolitique de ces sociétés qui nous sont très, très étrangères aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment, j'essaie d'apporter quelque chose de nouveau. Et puis, j'essaie beaucoup de travailler le style pour le rendre le plus fluide possible à la lecture, en s'adressant à un très vaste public. Est-ce que vous partagez le fait que après la Révolution, on a quand même reproduit la société d'Ancien Régime? C'est une analyse courante développée par certains historiens et qui consiste à dire qu'il y a des tendances bien françaises, des permanences en quelque sorte, et que cet esprit de corps que vous décrivez, il existe encore aujourd'hui. Ah oui, c'est indiscutable qu'aujourd'hui on voit renaître tous ces corporatismes, tous ces égoïsmes sociaux et cette diversité finalement qui a conduit l'Ancien Régime à l'effondrement. Donc on a fait des comparaisons. La situation financière en 1788 n'est-elle pas comparable à celle d'aujourd'hui? Indiscutablement, il y a des rapprochements. Cela étant, moi je ne suis pas du tout persuadé que nous sommes à la veille d'une révolution brutale et violente. Je pense qu'on est à la veille d'un choc, ça j'en suis convaincu. De quelle nature ? Je pense économique et mondiale à ce moment-là. Et puis peut-être qu'il y aura des répercussions politiques en France. Mais de toute façon, nous sommes dans un système démocratique et qu'il y a toujours une possibilité de revenir au peuple. Donc on n'est pas du tout dans la même configuration sociopolitique qu'en 1788, même s'il y a des rapprochements assez troublants. L'histoire sert à comprendre le passé ou le présent ? L'histoire, ça sert à comprendre le présent et à travailler et à envisager l'avenir. Ça sert aussi à comprendre son pays, à l'aimer. Ça, je pense que c'est une notion qui a en grande partie disparu des programmes. Il n'y a pas seulement que des pans entiers de notre histoire qui ont disparu. C'est aussi, il faut apprendre à aimer son pays sans en cacher, sans cacher les erreurs, les ombres, les pages sombres de cette histoire, mais sans non plus tomber dans la repentance permanente comme on semble le faire aujourd'hui. Il n'y a pas une distance absolument incompressible de l'historien avec le sujet qu'il étudie, parce que si on reprend l'attitude en quelque sorte de François Chandernagor par rapport à son sujet, il y a une sorte de froideur complète. Oui, mais là l'historien... Absolue. Oui, mais qu'elle déclinera sous le titre de neutralité. Oui, mais bon, il y a des multiples possibilités d'être neutre. On est toujours porteur de valeurs et de jugements. Et l'historien, c'est, en effet, elle doit faire abstraction de ces données pour être le plus objectif possible, dans la mesure où on peut atteindre l'objectivité. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ma vie de Jésus, où, en effet, moi, homme de foi, je m'arrête volontairement devant le mystère, en disant, là, je ne peux pas, en tant qu'historien, dire s'il y a eu la multiplication des pains, si Jésus a marché sur les eaux, je ne peux pas dire que Jésus, a fortiori, est ressuscité des morts. Tout ce que je dis, c'est que ces événements ne sont pas anodins, ont eu un impact très fort, notamment dans la vie de Jésus. Quand Jésus multiplie les pains, eh bien, ce n'est pas, contrairement à ce que certains ont dit, un casse-croûte partagé sur l'herbe fraternellement, et puis tout cela a été monté comme une grande affaire miraculeuse. Non, il y a eu un mouvement de foule, par exemple, qui a voulu porter Jésus sur le trône, puisque Jésus étant des descendants davidiques, on y reviendra sans doute, eh bien, l'enthousiasme et l'attente messianique étaient tel que Jésus a été obligé de s'enfuir, parce qu'il n'est pas le Messie qu'on attend en Israël. Jean-Christian Petit-Fils, alors l'histoire du 1er siècle, c'est une chose peut-être, alors Louis XIV, Louis XIII, Henri IV, bon, c'est une histoire extrêmement proche comparée évidemment à celle du 1er siècle. Ce qu'a voulu faire François Chandernagor, c'est bien comprendre l'état de la Palestine à l'époque, qui était très compliqué. Ça, mais je pense que vous pouvez vous accorder ensemble sur cette question-là, sur les rivalités politiques, les rivalités, elle l'a bien d'ailleurs souligné, hein, entre les Samaritains, les Galiléens, l'état de guerre latent qui régnait à l'époque, et puis les attentes messianiques. Vous avez dit, je ne peux pas dire si Jésus est bien ressuscité, etc. Vous pouvez dire s'il a eu des frères ou pas, en revanche. Oui, je pense que... Alors, sur la base de quoi ? Sur la base de quoi ? Sur la base des textes évangéliques, des traditions et au-delà même, bien sûr, des affirmations de foi. Mais je veux dire, l'histoire ne vient pas s'opposer, en tout cas sur ce terrain, à la foi. Et il y a des données exégétiques, scripturaires, qui conduisent à considérer que Marie n'a pas eu d'autres enfants que Jésus. Quelles sont vos sources ? Alors, on peut reprendre, si vous voulez, plutôt les affirmations de ceux qui, depuis le IVe siècle, parce que c'est un mouvement tout récurrent, un certain Helvétius au IVe siècle disait Jésus a eu des frères. Tout ça parce que dans les évangiles, en effet, il y a un mot qui figure, qui est adelphos, voilà, en grec. Et adelphos, indiscutablement, ça veut dire les frères de sang. Ça, c'est le premier argument qu'utilisent ceux qui veulent nous faire croire que Jésus a eu des frères. Deuxième argument, c'est un rapprochement des évangiles. Jean, dans son évangile, dans le quatrième évangile, donc, montre que Marie, mère de Jésus, était au pied de la croix. Et Matthieu et Marc nous disent, au pied de la croix, regardant donc, l'exécution de Jésus, il y avait Marie, mère de Jacques et de Joseph. D'où conclusion, eh bien, Marie, c'est la mère de Jésus, de Jacques et de Joseph. Voilà. Et puis, dernier argument, on voit dans Luc que Marie enfanta son fils premier-né. Voilà. Luc dit premier-né, donc comme dit premier-né, raisonnement à grosse ficelle, eh bien, il y en a eu d'autres. Voilà. Et ces trois arguments, je crois qu'ils ne tiennent absolument pas. Alors, est-ce qu'ils sont fondés sur est-ce qu'il y a des apocryphes qui interviennent aussi dans l'histoire, pour corroborer ce que vous citez ? Alors, les apocryphes interviennent, mais de façon marginale. Ce qu'on peut dire, c'est que... C'est-à-dire qu'on reste dans le cadre classique des écritures reconnues. Oui, mais on peut s'appuyer aussi sur certaines données des apocryphes, notamment la nativité de Jésus, ce qu'on appelle le protévangile de Jacques, qui appartient à un courant populaire, qui n'est pas un courant hérétique, simplement qui soutient, lui, alors même très, très fortement et très exagérément, la virginité perpétuelle, avec des arguments assez grossiers. Mais premièrement, en ce qui concerne Adelphos, par exemple. Adelphos, on sait que le grec des évangiles renvoie à l'hébreu et à l'araméen. Bon, il y a un substrat hébreu-araméen évident dans ces textes, même si les textes ont été écrits au départ en grec. Encore que, Irénée nous dit, Matthieu a écrit, pendant que Pierre et Paul évangélisaient à Rome, donc on est au début des années 60, une manière d'évangile en langue hébraïque. Donc il y a eu un premier Matthieu qui a été écrit en hébreu. Bon. Ou en araméen, probablement, plus probablement. Et puis, ce premier évangile a été gonflé, a été augmenté, parce qu'il ne s'agissait pas seulement de répondre aux préoccupations des judéo-chrétiens, mais aussi des Grecs, et qu'il fallait convertir le monde entier. Donc, l'évangile de Matthieu est à la fois le plus juif et le plus ouvert sur les nations, parce qu'on a incorporé des récits de Jésus, tout à fait authentiques, mais montrant que Jésus n'est pas simplement le juif venu sauver ce qui était perdu en Israël. Voilà donc, mais... On le sait aussi quand on voit Luc, quand on lit Marc, bien on sent qu'il y a des traces d'hébraïsme, d'araméisme très, très évident. Donc il y a un mot en araméen et en grec, c'est le mot « a », « h-a » ou « a-h » selon les deux langues, qui veut dire en fait tout. C'est-à-dire le frère de sang, le demi-frère, le neveu, le cousin, le membre du clan. Donc, ça renvoie à un seul mot. On a des exemples, d'ailleurs, dans la Bible hébraïque, la Genèse. On voit que Lot est tantôt le neveu, tantôt le frère d'Abraham, parce que selon les traductions, on voit que Jacob, fils d'Isaac et de Rebecca, qui n'a eu qu'un jumeau, Ésaü, eh bien, dans un certain passage, on voit qu'il parle à ses frères, par exemple. Bon, tout ça, ses frères, il faut le comprendre au sens très, très large du terme. Le livre de Tobie, qui est aussi un livre biblique, eh bien, on a retrouvé l'original araméen dans les manuscrits de Qumran, les manuscrits de la Mer Morte, alors qu'on n'avait que le texte grec. Et ça, on s'aperçoit qu'en effet, eh bien, le mot H-A, est tantôt traduit Adelphos, donc frère de sang, ou tantôt Anepsios, cousin. Donc on a là vraiment la preuve. Donc voilà. Le clivage entre Anepsios et Adelphos n'est pas pertinent. Ce n'est pas pertinent parce que ce n'est pas la langue d'origine. La langue d'origine et le substrat araméen prime. Il y a énormément, encore une fois, d'araméisme et d'hébraïsme dans les évangiles, et c'est pourquoi ça permet de comprendre. Ceux qui veulent et qui s'intéressent véritablement à cette histoire, notamment à l'histoire de Jude, devraient lire, doivent lire absolument un livre qui malheureusement n'a pas été traduit en français, qui est un livre d'un Anglais, qui est Richard Bockham, Jude et ses cousins et sa fratrie, qui est paru en 1990 et qui est extrêmement précis, extrêmement fouillé, et montrant toutes les possibilités de cousinage et de parenté. Mais alors, qui est Jude s'il n'est pas le frère de Jésus? Qui alors, est-il? Justement, parce que pour François Chandanagor, c'est le dernier. Voilà. C'est le dernier des frères. Nous voyons dans l'Évangile, contrairement à cette interprétation qui vise à dire que Marie est à la fois la mère de Jésus, de Jacques et de Joseph, on a fait un amalgame, nous voyons dans les textes évangéliques une autre Marie. Cette Marie, on l'appelle parfois, c'est en tout cas chez Jean, la Marie de Clopas. Et Clopas, selon Hégésippe, qui est un de l'Église du IIe siècle, nous dit qu'il était le frère de Saint Joseph. Voilà, donc c'est une autre Marie qui aurait eu probablement Jacques, Joseph, Jude et Simon ou Siméon. Il y a d'autres explications. Il y aurait Jacques et Joseph d'un côté qui seraient les fils de Marie de Clopas, et puis Jude et Siméon seraient les fils d'une autre Marie. Donc en fait, c'est un cousin au sens large. Voilà, il faut prendre, et c'est ce que montre très bien Bockham, c'est que au début, les judéo-chrétiens formaient un petit groupe, un petit clan qui a été un peu capté par une fratrie, par un clan. le clan des Nazoréens, dont est issu Jésus, c'est-à-dire ceux qui sont nés à Nazareth. C'est un petit clan qui est arrivé au IIe siècle avant notre ère, en revenant de l'exil, qui s'est installé dans deux villages. Un village qu'ils ont appelé Nazara, de Netzer, le rejeton, le surjon donc de Jessé, descendant de David. Et puis, de l'autre côté du Jourdain, du côté du Golan, Kokaba, l'étoile. L'étoile et le surjon. Et ces deux, ce petit clan de Nazoréens qui s'est installé à Nazareth, eh bien, après la mort de Jésus, on le retrouve parmi ses frères qui veulent un peu accaparer la direction du christianisme. Un peu comme dans l'islam, vous avez le chiisme avec Ali, le neveu de Mahomet. Il avait une volonté de créer un christianisme dynastique. Tout cela a disparu rapidement, mais on voit la diversité du christianisme au départ. D'un côté, vous avez Pierre et les douze. Vous avez ensuite Jacques, évêque de Jérusalem. En effet, dit le frère du Seigneur. Et puis, vous avez Paul, bien sûr, et probablement aussi d'autres groupes, y compris les groupes dissidents, les ébionites, etc., qui, eux, versent dans l'hérésie. Voilà, donc, ce groupe, ce petit clan, avait ses généalogies. On le sait par Julius Africanus au IIIe siècle, et ces généalogies, elles apparaissent dans Luc et dans Matthieu. Ce ne sont pas des textes, des généalogies fictives, inventées, même si, évidemment, elles sont très légendaires. Mais elles ne sont pas inventées par les évangélistes. Elles proviennent de ce milieu nazoréen. Le fait, Jean-Christophe Petit-Fils, puis on va se retrouver après 8 heures, Jésus n'est pas né à Bethléem, nous dit François Chandanagore. On n'a pas de preuve de ça. Ça, c'est une invention mythique pour faire coïncider l'histoire juive avec la messianité du Christ. Non. Moi, ça ne me gêne pas. Bethléem, c'est la ville royale de David. C'est un tout petit village. Et à partir du moment où Jésus appartient à ce clan des Nazoréens de Nazareth, eh bien, si on affirme que Jésus est né à Bethléem, c'est quelque chose qui est très vraisemblable. C'était les textes aussi, Julius Africanus nous dit que les Nazoréens s'étaient dispersés un peu dans tout le pays. Les parents de Marie aussi était indiscutablement... Donc ça ne paraît pas stupide. Non, pas du tout. On y revient dans quelques instants, après 8h. Jean-Christian Petit-Fils, jusqu'à 8h30. Vendredi 3 juillet, c'est le premier vendredi du mois. Venez célébrer le cœur de Jésus et louer sa miséricorde à l'église Saint-Sulpice. 18h45, messe, suivi de l'adoration et de la procession du Saint-Sacrement. Venez avec vos amis et vos voisins puiser des grâces aux sources de la miséricorde ce vendredi 3 juillet à l'église Saint-Sulpice. Renseignements 01 45 03 17 60 ou www.pourlamiséricordedivine.org. Il est fissuré, la peinture s'écaille, votre plafond vieillit. Creative Design lui donne un coup de jeune et le remplace par un magnifique plafond tendu. Quelle classe! Sans odeur ni poussière, sans déménager, Creative Design vous en assure la pose dans la journée. Fini les plafonds abîmés, cloqués ou humides. Avec Creative Design, votre plafond tendu mat, satiné ou brillant, garanti 10 ans, est tout simplement superbe. Appelez vite Creative Design pour un devis gratuit au 01 58 88 21 20 58 88 21 20. Chantal Bally écoute dans la nuit. Je vous emmène chaque soir avec mes invités du mardi au vendredi dans un voyage de 2 heures au souffle de l'esprit pour réveiller l'espérance et être ensemble des inaugurateurs d'aurore. Alors, hissons les voiles, le vent va souffler. Écoute dans la nuit avec Chantal Bally du mardi au vendredi à 22h sur Radio Notre-Dame. La Minute Spirituelle. Cette semaine, Patrice Cavelier, diacre à Saint-Eustache, Paris. Du psaume 64. Il est beau de te louer, Dieu, dans Sion, de tenir ses promesses envers toi qui écoute la prière. Jusqu'à toi vient toute chair avec son poids de péché. Nos fautes ont dominé sur nous, toi, tu les pardonnes. Oui, il est beau de louer Dieu en toutes circonstances et peut-être d'une manière plus gratuite que les autres en ce début de journée, en début de toutes les journées. Avant de nous lancer les uns et les autres dans nos activités chronophages qui vont nous entraîner jusqu'à ce soir sans que l'on s'en rende parfois compte. Alors, pour ne pas prendre ce risque de ne pas donner à Dieu sa place dans notre journée, démarrons-la avec ce devoir de louange qui nous est fait en prenant un petit temps de prière pour lui confier ce que nous allons vivre et lui dire toute notre confiance. Oui, nous le savons, Rien de ce que nous allons vivre se fera en dehors de lui qui est toujours à nos côtés. Bonne journée. Merci Patrice Cavelier. Un mot de la météo, le soleil sera omniprésent la majeure partie de la journée. Ce mardi marque aussi le début de la vague de chaleur avec un ressenti particulièrement étouffant cet après-midi jusqu'à 34 degrés. Jean-Christian Petit-Fils, historien, a publié une vie de Jésus chez Fayard. Justement, il répond aux arguments de Françoise Chandernagor venue la semaine dernière, nous parler de sa vie de Jude, frère de Jésus. On l'écoute jusqu'à 8h30, on le retrouve après les infos et l'édito de Gérard Leclerc. 8h, Flora Cortès. Bonjour à tous. Pierre Moscovici et François Baroin auraient été écoutés par les services secrets américains lorsqu'ils étaient au ministère de l'économie et des finances. Ce sont plusieurs documents obtenus par Wikileaks et rendus publics lundi soir par Libération et Mediapart. Mediapart assure que la NSA s'est livrée à un espionnage économique massif de la France et cite 5 synthèses d'inception téléphonique rendues publiques par Wikileaks. Le site d'information s'interroge sur certains contrats commerciaux perdus par les entreprises françaises sans pouvoir faire le lien objectif entre une potentielle écoute et l'issue du contrat, puisqu'aucun nom de société n'est cité dans ces documents. Charles Pasqua est décédé lundi à l'âge de 88 ans. Il était le pilier de la famille gaulliste, parrain politique de Jacques Chirac, avec lequel il avait fini par rompre, et ancien premier flic de France à la réputation sulfureuse et aux démêlés judiciaires. Par deux fois ministre de l'Intérieur, ex-sénateur des Hauts-de-Seine, ce personnage de caractère avait mis un terme à sa longue carrière en 2011. Charles Pasqua était apparu la dernière fois en public le 30 mai pour le congrès fondateur des Républicains. La contrôleure générale des lieux de privation de liberté se dit défavorable au regroupement des détenus islamistes dans le cadre de la lutte contre la radicalisation en prison et pointe le caractère potentiellement dangereux de cette mesure. La contrôleure publie ce mardi un rapport d'enquête fouillé sur la prise en charge de la radicalisation islamiste en milieu carcéral et un avis au journal officiel. Le Premier ministre Manuel Valls avait annoncé en janvier, après les attentats de Paris, sa décision de regrouper des détenus islamistes dans des quartiers dédiés dans le prolongement d'une expérience menée à Fresnes depuis octobre 2014, et ce pour éviter le prosélytisme religieux radical et favoriser la prise en charge des personnes radicalisées. Les responsables des 6 principaux cultes en France, catholiques, musulmans, protestants, juifs, orthodoxes et bouddhistes, observeront un jeûne collectif mercredi, jour où ils remettront à François Hollande une déclaration commune sur la crise climatique. Symboliquement, les membres de la conférence des responsables de cultes en France jeûneront ce jour-là, comme le font des dizaines de milliers de personnes engagées pour le climat à travers le monde, le premier jour de chaque mois depuis fin 2013. 5 mois avant la cruciale conférence de Paris sur le climat, les responsables des cultes espèrent peser pour que les États s'engagent contre les dérèglements climatiques. Les deux dirigeants d'Uber France ont été placés lundi en garde à vue par la police judiciaire parisienne dans une enquête sur leur application mobile Uber Pop. L'enquête vise un système d'organisation illégale de mise en relation de clients avec des particuliers pour les transporter contre rémunération mais sans s'acquitter de charges sociales. Enfin, la vigilance orange canicule lancée aujourd'hui par Météo France concerne 26 départements pour un épisode caniculaire qui débutera aujourd'hui à 14h et pourrait se prolonger jusqu'à la fin de la semaine. Radio Notre-Dame. Jean-Christian Petit-Fils, notre grand témoin ce matin, on le retrouve après l'édito de Gérard Leclerc. Toute la rhétorique qui tourne autour des notions de république et de laïcité n'est pas indemne d'équivoques et d'ambiguïtés qu'il ne faut pas craindre de relever, ne serait-ce que pour nous comprendre entre nous, mieux savoir ce qui assure notre unité et prédispose à la fraternité. Que veut-on dire, par exemple, lorsqu'on oppose la loi républicaine ou la loi civile à la loi religieuse en soulignant la primauté de la première? Ce n'est pas très clair, ne serait-ce que parce que le concept de loi religieuse ou encore de loi de Dieu n'est pas reçu de façon uniforme dans les différentes traditions religieuses. Il y a même des contrastes et des oppositions radicales de ce point de vue entre le judaïsme, le christianisme et l'islam, ne serait-ce que parce que, dans ce dernier cas, la séparation du religieux et du politique n'est pas pensable. Je ne veux pas dire qu'on ne puisse aboutir ici ou là à des accommodements raisonnables, mais ce n'est nullement évident. Par ailleurs, dans la tradition judéo-chrétienne, qu'appelle-t-on la loi divine ? Les commandements qui sont donnés à Moïse sur le Sinaï sont tout à fait raisonnables et ils ont cet avantage de favoriser la vie sociale. Certains exégètes sont d'avis que le décalogue fut d'abord une vraie législation sociale, intégrant des lois qui existaient préalablement. Il est donc difficile à ce niveau-là d'établir une opposition entre le religieux et le civil, puisque les deux marchaient de pair. Cela n'épuise évidemment pas la question, mais permet d'éclaircir un peu le débat. Autre direction à envisager. La loi humaine, et donc la loi votée par nos parlements, ne vise pas des citoyens très vertueux, a fortiori des saints. C'est pourquoi saint Thomas d'Aquin signalait déjà en son temps qu'il y avait forcément un écart entre une loi de perfection morale et une loi destinée au plus grand nombre. Il y a donc, du point de vue religieux, un réalisme pratique qui coopère forcément, même si ce n'est pas toujours évident, avec le législateur civil. Raison de plus pour écarter les contresens sur la loi divine et la loi civile. Merci Gérard Leclerc. La suite du Grand Témoin avec vous, Louis Dauphren. L'historien Jean-Christian Petit-Fils. D'où vient cet esprit, Jean-Christian Petit-Fils, que l'on trouve notre liberté finalement en rejetant nos représentations religieuses, y compris lorsque celles-ci, comme le dit Gérard Leclerc, reposent sur un réalisme pratique et qu'elles sont imbriquées en réalité avec la réalité sociale? Oui, j'adhère pleinement à ce que vient de dire Gérard Leclerc. En effet, nous sommes dans une société laïque et c'est très heureux, très, très souhaitable compte tenu de notre diversité religieuse. Pour les croyants, le danger, c'est de considérer que tout ce qui est légal est moral. C'est là où il y a un décalage. Et maintenant, le décalogue n'est plus le fondement des sociétés occidentales, en tout cas de la société française. Il faut donc avoir un certain recul, une certaine distance et, un certain repli sur le décalogue et les valeurs chrétiennes pour éviter de se laisser envahir par une culture qui peut être la culture de mort dont a parlé Jean-Paul II. Il y a une forme d'arbitraire en fait qui s'instaure dès lors qu'il n'y a plus ce substrat commun. Même s'il y a une déclinaison laïque. Oui, c'est là où c'est... Parce qu'il a l'air de dire que la laïcité, en fait, est compatible avec la loi religieuse. Il y a eu longtemps, pendant très longtemps, il y a eu une morale laïque, une morale républicaine, qui n'était qu'une réplique laïcisée et non religieuse de la morale religieuse. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce cas-là, puisqu'on est dans un bricolage humain qui peut conduire à un grand danger, parce qu'on a perdu le sens même de ce qu'est l'être humain. Alors, perte de sens de l'être humain, peut-être perte du sens de l'histoire, des écritures, du regard que l'on peut avoir sur la réalité. Après tout, tout est possible aujourd'hui. Donc, on est là aussi pour apporter des réponses fondées sur l'histoire, Jean-Christian Petit-Fils. Vous avez développé un premier argument concernant le fait que Jésus aurait eu, n'aurait pas eu de frère en partant de cette distinction aneptios adelphos pour le grec. C'était l'argument de François Chandernagor. Puis Marie Cléophas, qui en fait n'était pas Marie, la Sainte Vierge. Le troisième argument, c'est de dire que Jésus est le premier-né. Oui. Alors même avant ce troisième argument, il y a le fait que Jude et Jacques ont écrit, donc les frères du Seigneur, entre guillemets, ont écrit des épîtres. Et Jude, dans son épître, se définit comme le serviteur de Jésus-Christ, et non pas le frère de Jésus. C'est quand même à noter. Mmh. Ça aurait été, s'il avait été, il l'aurait certainement dit. Et donc, c'est la fameuse épître très courte de Jude, de 25 versets. Mais qui est très importante aussi parce qu'elle permet de comprendre le milieu judéo-chrétien. Jacques aussi se définit comme le serviteur de Dieu et le serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il ne se définit pas comme... Et si Marie, c'est le dernier argument pour ce chapitre, pour clore ce chapitre, si Marie avait été dans les évangiles dite « Marie, mère de Jésus, mère de Jacques et de Joseph », alors là, évidemment, on était on ne pouvait plus soutenir le principe de la virginité perpétuelle de Marie. Mais à aucun moment, on ne voit que Marie est définie comme mère de Jésus, de Jacques et de Joseph. Il y a donc cette distinction qui est importante. Et il y a une autre Marie... Et l'autre Marie dont on parle, cette Marie de Clopas, elle vient dans les listes données par les évangélistes après Marie-Madeleine, ce qui montre bien que ce n'est pas Marie, mère de Jésus. Marie-Madeleine, sur ce point, c'est une figure, en fait, c'est un concentré, c'est une figure... C'est une figure composite. Alchimique. Il y a beaucoup à dire, là, il faut faire une émission. C'est un autre sujet. C'est plusieurs personnes, en fait. Voilà. C'est, Vous le reconnaissez. Oui, de quoi? De Parce Marie Madeleine. François Chandanagore est sur la même ligne. Hein, oui, oui, on est tout à fait. Là-dessus. Tout à fait, tout à fait. Alors, sur le premier-né. Oui. Premier-né, eh bien, ça renvoie à une consécration spéciale à Dieu du premier enfant. Ça, c'est dans la tradition juive. Et ce n'est pas pour autant que, quand on dit son fils premier-né, elle a pu en avoir d'autres. On a retrouvé en Égypte la tombe du premier siècle d'une certaine Arsinoé. Et sur son épitaphe, il y avait marqué « Dans les douleurs de l'enfantement de mon premier-né, le sort me conduit au terme de la vie. » Ce qui montre bien qu'elle est morte en accouchant d'un fils premier-né. Elle met « mon fils premier-né », comme si elle allait en avoir d'autres. Mais non, c'est une formule qui est utilisée. Et ça montre bien que cette formule est très faible du point de vue argumentaire. On ne peut pas s'en servir. Voilà ce qu'on peut Donc au-delà de ces trois arguments... La thèse... Et puis il y a Jean aussi, il y a le fait que sur la croix, Jésus a dit à Marie, voici ton fils, Jean le disciple bien-aimé, et à Jean, voici ta mère. Et ce n'est pas du tout une manière symbolique. Jean le dit d'ailleurs, et depuis ce temps-là, il l'a pris chez lui. On voit là, donc Jean est en effet le plus symbolique, des évangélistes, mais en même temps le plus historien. Tout ce qu'il dit se trouve vérifié historiquement, les noms de villages, de villes, les traditions, les usages du temple, tout cela, tout ce qu'on connaît par ailleurs, se trouve vérifié et authentifie l'évangile de Jean. Et les paroles sur la croix de Jésus ne sont pas si nombreuses que cela. Non. Et alors, ces paroles montrent bien que si Jésus avait eu des frères, il y avait une obligation absolue dans la tradition juive, absolue, que Marie soit prise par eux, soit hébergée par eux. Donc, le fait que Jésus ait désigné Jean, ce qui est probablement un disciple qui appartient au clergé de Jérusalem, hein, Polycrate, évêque d'Éphèse, disait il fut hiérous, c'est-à-dire il fut prêtre. Et il a porté le pétalon, c'est-à-dire la lame d'or des grands prêtres et des familles sacerdotales. C'est quelqu'un de Jérusalem qui a probablement reçu chez lui les apôtres au moment de la scène et qui a pris Marie chez lui et qui a inhumé Marie à Gethsémani, qui était probablement aussi sa propriété, puisque le tombeau de Marie ne se trouve pas non pas à Éphèse, comme on le dit souvent. C'est historiquement impossible compte tenu de la chronologie, compte tenu des dates, mais à Jérusalem, au jardin de Gethsémani. Alors, Jean-Christian Petit-Fils, donc cette question, cette controverse des frères de Jésus, pour vous, trouve son épilogue dans la contestation, la réplique que vous apportez. Point. Est-ce qu'il y a d'autres aspects dans... On va en venir à des aspects, évidemment, qui sont extrêmement dérangeants, celui de la virginité perpétuelle. Mais est-ce qu'il y a, dans les Écritures, d'autres aspects qui ont été remis en cause, que vous acceptez, et qui relève du travail de l'histoire? Oui, alors... Marie-Madeleine, indiscutablement. Bon, Gethsémani, Éphèse, c'est un autre aspect. Marie-Madeleine, il y a deux personnages. Il y a Marie de Béthanie, qu'on peut assimiler à la pécheresse. Et puis... Marie-Madeleine, Marie de Magdala, qui est un petit village qu'on a redécouvert, une petite ville, hein, qu'on a redécouvert sur le lac de Génézareth tout récemment. C'est assez impressionnant de voir ces ruelles, cette synagogue, parce que là, on est quasiment sûr que Jésus est venu là et que c'est le lieu habité par Marie-Madeleine. Marie-Madeleine a simplement été délivrée de 7 démons, donc elle était possédée, délivrée par Jésus. Et puis, elle s'est attachée, comme d'autres femmes qui ont suivi Jésus, Suzanne, la femme de l'intendant Chouza, qui ont suivi Jésus et qui aidaient le groupe des apôtres par leurs moyens financiers, parce que c'était des femmes riches. Assez étonnamment, d'ailleurs, elles avaient quitté leur mari, notamment la femme de Chouza, pour suivre Jésus, et Jésus dans une grande liberté, ce qui montre aussi que Jésus avait une liberté, mais aussi a donné certaines limites, notamment il n'a pas consacré les femmes dans le sacerdoce, et donc c'est un fait absolu. Jésus avait une grande liberté à l'égard des femmes qui choquaient de son temps. Bon, autre personnage, donc on voit bien que Marie-Madeleine, c'est un personnage composite, la pécheresse avec les cheveux dénoués, tout ça, c'est un mélange. Et puis il y a la troisième personne de pécheresse, c'est la pécheresse anonyme de Luc, qui en fait, Luc a probablement suivi l'enseignement de Jean, le disciple bien-aimé, celui qui a pris Marie chez lui, et on y reviendra peut-être pour la virginité perpétuelle et les textes de Luc sur Marie, à enseigner tout cela, à montrer, à apporter beaucoup de choses sur Marie. Donc cette troisième sépéchesse, probablement il faut l'assimiler à Marie de Béthanie, puisque Luc n'a pas une grande connaissance de la géographie de la Palestine. Il est venu qu'une fois. Ce que je voulais dire, c'est que l'histoire vient, pour vous, confirmer ce qui est dit dans les Écritures. Est-ce qu'il y a un moment où l'histoire infirme ce que disent les Écritures ? L'histoire a pu infirmer certaines traditions. Je vous ai parlé de Jean. Aujourd'hui, de plus en plus d'exégètes, de chercheurs considèrent que Jean, l'auteur du quatrième évangile, n'est pas le fils de Zébédée, le pêcheur qui réparait les filets sur le lac de Génézareth. C'est un grand théologien, un grand spécialiste de la société sacerdotale de Jérusalem. Il connaît à fond Jérusalem. C'est lui qui va introduire Pierre dans la maison du grand prêtre honoraire Anne en disant un mot à la servante. C'est lui qui connaît le nom de celui qui a tranché le globe, qui connaît le nom de celui dont Pierre a tranché le globe de l'oreille. Il s'appelle Malchus, donc c'était quelqu'un aussi de l'entourage des grands prêtres. Il connaît à fond le temple et il connaît à fond le personnel du temple, donc c'est pas ce pêcheur du lac. Et il est, lui, mort à Éphèse, très tardivement, 68 ans après la mort de notre Seigneur, dit Saint Jérôme, ce qui nous conduit à l'année 101. Il a dû mourir dans les années... Il avait 90 ans probablement, alors que Jacques et très probablement son frère Jean ont été exécutés très tôt dans la première, deuxième persécution, disons, en 44, du temps d'Agrippa, d'Hérode Agrippa. Bon, mais ça reste des événements quand même circonscrits à des personnages, ça ne révolutionne pas les données de la foi. Alors, tout au contraire, même, je dirais, ça les conforte. Il va de soi que si on reconnaît que Jésus a eu des frères, la question de la virginité perpétuelle, là, pour le coup, se trouve s'aborder. Oui, alors il faut peut-être préciser bien les choses. Il y a ce qu'on a appelé l'Immaculée Conception, qui est Marie est conçue sans péché. Ça, c'est un dogme qui a été proclamé en 1854. Vous savez combien Bernadette Soubirous a été marquée quand la dame lui a dit « Je suis l'Immaculée Conception », puisqu'elle l'a répété tout au long du chemin pour aller le répéter au curé, parce qu'elle ne savait pas ce que c'était. Mais ça ne dérange pas trop François Chandanagore. À la limite, elle n'en parle pas. Non. Alors, nous avons l'Immaculée, nous avons la Conception virginale, c'est-à-dire que Jésus est né d'une vierge. Ça, c'est affirmé dès le départ. Ça non plus, ça ne la dérange pas. Symbole des apôtres et Nicée-Constantinople. Et puis, il y a virginité perpétuelle. Alors, la virginité perpétuelle, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, mais elle est, à mon avis, dès le départ, inscrite dans les textes évangéliques, en particulier dans Luc. Quand l'archange Gabriel annonce à Marie, tu concevras un fils et tu l'appelleras Jésus. Marie répond, c'est Luc 1, 34, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ? Et là, elle est fiancée à Joseph. Elle est donc dans cette période qui dure un an chez les Juifs de fiançailles, mais c'est un engagement très ferme, très fort, qu'on ne peut pas dissoudre. Ce n'est pas les fiançailles chrétiennes. La période de cohabitation commence immédiatement après la cérémonie du mariage, comme à Cana, les noces de Cana. Voilà. Eh bien, elle est donc fiancée, elle va avoir des relations sexuelles avec son mari, c'est évident. Et elle dit, comment se fait-il que, puisque je ne connais point d'homme, la connaissance biblique, selon la connaissance de la chair, selon la Bible. Elle affirme donc un état, et un état de disposition permanente. Elle s'est consacrée à Dieu. Alors pendant très longtemps, les exégètes, les historiens ont dit « Attendez, ça c'est quelque chose qui n'existe pas, ça est ajouté par Luc, c'est une très belle légende, mais les Juifs, et en particulier la femme juive, elle est là pour donner naissance à des enfants, elle est consacrée à la maternité, cette idée de vierge qui se consacre à Dieu de façon perpétuelle, ça n'existe pas. » Jusqu'au jour où, en 1967, on a retrouvé dans les souks de Jérusalem les restes d'un manuscrit, qui est le rouleau du temple, qui provenait des manuscrits de la Mère Morte, et où il y a un texte très court qui nous parle justement de ces femmes qui se consacrent entièrement à Dieu. Et je vais vous lire ce petit passage, parce qu'il est très court, mais il est très important pour comprendre le contexte. C'est un texte juridique. « Si une jeune fille a fait un vœu de virginité sans que son père en soit averti, il peut la relever de son vœu. » Dans le cas inverse, lui et sa fille sont tenus par ce vœu. Deuxièmement, si une femme mariée prononce un tel vœu sans que son mari le sache, il peut déclarer ce vœu nul. Si toutefois il est d'accord avec une telle mesure, les deux sont dans l'obligation de le garder. Et tout ça nous comprend pourquoi, dans l'évangile de Matthieu, par exemple, Joseph s'est interrogé en disant « Est-ce que je ne vais pas répudier Marie ?» Donc il était dans cette période où, apprenant non seulement le fait que Marie était enceinte, mais aussi qu'elle avait fait un vœu, il a probablement, il s'est demandé s'il ne devait pas répudier. Donc tout cela nous éclaire. Donc il a acquiescé, on suppose qu'il a acquiescé. Évidemment. Il a acquiescé après que Marie aussi a acquiescé. Et le fiat de Marie est aussi, évidemment, capital. Marie consacrée à Dieu, Marie accepte pleinement le message de l'ange. Alors, à partir de là, probablement que la théologie a brodé beaucoup, il y a eu peut-être des exagérations mariales, y compris même chez certains papes, puisqu'on a parlé de Marie co-rédemptrice, mais il est indiscutable, et ce que le Concile de Vatican II n'a pas retenu, en tout cas, il est indiscutable que Marie, par son fiat, participe en plénitude à l'incarnation et à la rédemption. Donc elle joue un rôle tout à fait particulier. Elle est, les conciles l'ont défini, le concile d'Éphèse en 431, Théotokos, c'est-à-dire la mère de Dieu. Alors, là aussi... Alors déjà, ce n'est pas une extrapolation, ça, par rapport à ce que dit François Chandanagore. Elle dit mère de Jésus, éventuellement, mais mère de Dieu, oui, alors c'est là... too much. Oui, c'est ce qu'on appelle l'hérésie nestorienne, c'est-à-dire que il y a eu un concile spécial, il y a eu Nestorius, l'archevêque, qui était tout à fait partisan de cette thèse, qui a été récusé. Pourquoi ? Alors là, on entre dans les arguments théologiques, c'est plus l'histoire, bien entendu, mais on considère que Jésus, vrai homme et vrai Dieu, depuis les définitions du concile de Nicée et du concile de Constantinople, eh bien, est en effet vrai homme et vrai Dieu, mais aussi que les deux natures ne peuvent pas se séparer, les deux hypostases, comme disent les théologiens, et que par conséquent, il y a une union hypostatique dans la personne même de Jésus qui empêche de dire d'un côté il y a Jésus homme, de l'autre il y a Jésus Dieu. Jésus, c'est pas simplement l'homme qui meurt sur la croix, c'est Jésus vrai homme et vrai Dieu qui meurt sur la croix dans le sacrifice du rachat de l'humanité. Donc par conséquent, on peut dire, c'est ce que nous dit le concile d'Éphèse en 431, on peut dire que Marie est théotokos, Marie est la mère de Dieu. Dans ce sens-là, voilà donc une définition. Mais donc ce n'est pas une invention des moines du IVe siècle, parce qu'il y a l'idée derrière que le christianisme, qu'il y a un clivage entre le christianisme des premiers temps et ce que l'Église en a fait. Non, ça, alors on revient toujours à ce que nous répandu. Dit Newman, qui est capital, qui est l'enseignement de l'Église, c'est-à-dire que la révélation n'est qu'un redéploiement. La révélation est donnée dès le départ, mais elle a besoin d'être expliquée, comprise. Et on a mis plusieurs siècles à comprendre comment, à partir en particulier des textes de Paul et de Jean, qui sont les plus théologiques, Jésus est à la fois vrai homme et vrai Dieu. Mais il a fallu des définition conciliaire. C'était pas simple, imaginez, pour les Juifs, d'imaginer que Jésus soit Dieu, puisque il n'y a qu'un seul Dieu. Le monothéisme est absolu en Israël. Il y a un Dieu unique. Et pourtant, dès la première génération, on dit Kyrios à Jésus. On considère que Jésus est le Kyrios, c'est-à-dire le Seigneur. Donc il est Dieu. Mais on ne sait pas très bien comment articuler les choses. Il a fallu des mais le concept est quand même très compliqué. Le concept est compliqué. C'est vrai que la religion chrétienne, à la différence de l'islam, est compliquée. Et c'est pas que c'est deux natures qui se mélangent en se séparant. Voilà, c'est quand même compliqué. C'est vrai, mais on peut dire aussi que Jésus nous a donné cette révélation, a révélé ce qu'était le Père et a révélé la Trinité par sa personne et par son message. L'idée qu'on a voulu faire de Marie une sorte de déesse, à l'image un peu des Grecs, donc une figure mythique protectrice. Oui, alors là, il faut surtout pas en faire la quatrième personne de la Trinité, c'est évident. Et il y a eu des exagérations mariales, bien évidemment. Mais il y a une chose quand même qui est très intéressante, c'est une phrase de Luc dans son évangile, qui est répétée à deux reprises. Et Marie gardait toutes ces choses-là dans son cœur. Ce qui montre qu'il y a très évidemment une filiation. C'est pas quelque chose qui a été inventé. Tout ce que Luc raconte dans l'évangile de l'enfance vient de Marie. Et Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Et je me suis longtemps interrogé sur savoir d'où venaient ces informations pour Luc. Les historiens se sont posé des questions. Est-ce que Luc n'a pas rencontré Marie? On sait qu'il est venu à Césarée Maritime en 58-59, qu'il a séjourné à Jérusalem. Mais à ce moment-là, Marie était morte, elle était très âgée. Bon, on a parlé de Luc qui aurait peint Marie parce qu'il aurait été un peintre. Mais là, ce sont des exagérations. Il l'a dépeint, il l'a dépeinte, mais il ne l'a pas peint. Est-ce que ce sont les cinq femmes qui ont parlé à Luc? Mais les cinq femmes se sont dispersées. Marie-Madeleine, on dit qu'elle est venue en France, c'est pas une certitude. Mais bon. Et en revanche, je suis convaincu que Marie a fait des confidences à Jean. Jean, son fils, nous revenons là, son fils adoptif cette fois, puisque Marie, on pourrait dire, a eu deux enfants. Elle a eu Jésus, mais aussi elle a eu Jean, qui est le modèle du disciple pour nous. Et elle a fait ses confidences. Et je pense que les confidences de faites à Jean n'ont pas été reproduites par une discrétion extrême dans le quatrième évangile, où Jean nous dit la mère de Jésus. Jamais il la nomme Marie, par exemple. Donc il y a un respect immense, mais je pense qu'il a dû faire des confidences parce qu'il enseignait beaucoup avant d'avoir écrit son évangile assez tardivement. Et Luc a été son auditeur. Jean-Christophe Petit-Fils, merci pour toutes ces précisions, ces mises au point en écho à cette vie de Jude, frère de Jésus, votre vie de Jésus vous-même aux éditions Fayard. Merci d'être venu ce matin. Merci. Pour nous apporter toutes ces mises au point. À bientôt. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.